Votre vie est triste et sans saveur? Engagez-vous dans l'armée du bonheur et faites vos classes de joie de vivre en suivant un programme choc d'entraînement au bonheur basé sur la célèbre méthode du docteur en psychologie positive, Tal Ben-Jahar. Je suis bonheur. Chef, oui, chef. Je suis joie de vivre. Chef, oui, chef. Je suis heureux d'être heureux. Chef, oui, chef. Participez à nos stages de bonheur commando et atteignez la joie de vivre en seulement 3 semaines. Première classe dans Besançon, on arrête de chialer. Mais mon mec vient de me quitter. Mais alors, vous allez vous apitoyer sur votre sort pour combien de temps? Et pourquoi personne ne la soutient? Pour la peine, toute la compagnie va me faire 5 ans d'ouverture et fermeture de chakra. L'armée du bonheur, un corps d'élite prêt à tout pour combattre la morosité ambiante de notre pays. Seconde classe boulet, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai une vie de merde, chef. J'ai jamais vu un soldat qui portait aussi bien son nom. Vous n'êtes qu'une petite fiente dépressive qui se complaît dans son malheur. Je vais faire de vous des machines de bonheur, des champions du positivisme, de l'allégresse à l'état pur. L'armée du bonheur, votre joie de vivre, notre fierté. Avant je pleurais et je me plaignais. Avant je pleurais et je me plaignais. Mais le bonheur m'a illuminé. Mais le bonheur m'a illuminé.